Chapitre 17e. Un après-midi de novembre en 1933, Chip s'était assis dans le petit salon, sur la façade, chez Madame Wickett. Il faisait froid, il y avait du brouillard et n'osait pas sortir. Il ne se sentait pas très bien depuis l'anniversaire de l'armistice. Il pensait qu'il avait dû prendre un peu froid pendant la cérémonie à la chapelle. Le docteur Mary Bale était venu ce matin-là pour son entretien habituel de tous les 15 jours. « Tout va bien ? Vous vous sentez en train ? À la bonne heure, c'est ce qu'il faut faire. Restez chez vous par un temps comme celui-là. Il y a beaucoup de grippe. Je voudrais bien pouvoir mener votre vie un jour ou deux. » Sa vie. Quelle existence avait été ? Il en voyait tout le cortège se dérouler devant lui pendant qu'il était cet après-midi-là devant son feu. Que de choses il avait faites et vues. Cambridge dans les années 60, le Great Gable un matin d'août, Brookfield dans toute saison et par tous les temps, tout le long des années. Et pour ce motif, que de choses il n'avait pas faites et ne ferait jamais maintenant qu'il avait trop tardé. Par exemple, il n'avait jamais voyagé en avion et n'avait jamais vu un film parlant. En sorte qu'il avait à la fois plus et moins d'expérience que le plus jeune élève de l'école n'en avait sans doute. Et c'était cela, cette différence paradoxale entre l'âge et la jeunesse, que le monde appelait le progrès. Madame Wickett était sortie pour faire une visite à des parents dans un village voisin. Elle avait tout préparé pour le thé, le pain, le beurre et des tasses supplémentaires sur la table, pour le cas où quelqu'un viendrait. Par un jour pareil, cependant, il n'y avait guère de chance pour que Chip eût des visites. Avec ce brouillard qui augmentait d'heure en heure, il serait probablement seul. Mais non. Vers 4 heures moins le quart, un coup de sonnette retentit et Chips, allant lui-même à la porte d'entrée, ce qu'il n'aurait pas dû faire, y trouva un assez petit garçon, coiffé de la casquette de Brookfield et l'air timide et anxieux. « S'il vous plaît, monsieur, commença-t-il, est-ce ici qu'habite monsieur Chips ?»« Entrez donc, répondit celui-ci. Et dans son salon, un moment après, il ajouta « Je suis bien celui que vous demandez. Et alors, que puis-je faire pour vous ? On m'a dit que vous désiriez me voir. » Chip sourit. C'était une vieille plaisanterie, une façon habituelle de se payer la tête d'un nouveau. Et lui qui, dans son temps, avait fait plus de ces blagues que personne ne pouvait pas se plaindre. D'ailleurs, cela l'amusait de couronner leur bon tour, en quelque sorte, d'un tour de sa façon, de leur faire voir que maintenant encore, il était capable de tenir son bout. Il dit donc, en clignant les yeux, « Parfaitement, mon petit. Je désirais que vous preniez le thé avec moi. Voulez-vous vous asseoir près du feu ? Je ne crois pas vous avoir encore vu. Comment cela se fait-il ? Je viens juste de sortir de l'infirmerie, monsieur. J'y étais depuis le début du trimestre. J'avais la rougeole. Ah, voilà qui explique tout. » Chips, suivant l'usage, commença son mélange rituel de thé puisé dans différentes boîtes. Par bonheur, il y avait dans l'armoire un demi-gâteau aux amandes glacé au sucre rose. Il apprit que ce garçon s'appelait Linford, que sa famille habitait le Shropshire et qu'il était le premier de ce nom à Brookfield. « Vous savez, Linford, vous vous plairez bien à Brookfield quand vous serez habitué. Ce n'est pas un endroit à moitié aussi affreux que vous l'imaginez. Vous en avez un peu peur, n'est-ce pas ? Moi aussi, mon cher petit, j'ai tremblé, au début. Mais c'était, il y a très longtemps. 63 ans, pour être exact. » Lorsque je suis entré pour la première fois dans le grand hall et que j'ai vu tous ces garçons, j'ai eu vraiment peur, je vous assure. Ma parole, je ne crois pas avoir jamais de ma vie éprouvé une pareille frayeur. Non, pas même quand les Allemands nous ont bombardés pendant la guerre. Mais ça n'a pas duré longtemps. Je veux dire, l'impression de crainte. Je me suis bientôt senti à mon aise. Y avait-il beaucoup d'autres nouveaux élèves ce trimestre-là ? Demanda timidement Linford. Comment ? « Mais Dieu me pardonne, je n'étais pas du tout un élève, j'étais un homme, un jeune homme de 22 ans. Ainsi, la prochaine fois que vous verrez un jeune homme, un nouveau maître, venant chercher ses premiers élèves pour l'étude dans le grand hall, songez un peu à l'effet que cela lui fait. Mais si vous aviez 22 ans à cette époque-là, monsieur, oui, eh bien, vous devez être très vieux maintenant, monsieur. » Chip se mit à rire doucement, posément, pour lui-même. « Quelle bonne plaisanterie !» Mon Dieu, je ne suis pas positivement un jouvenceau. » Il continua à rire tranquillement un grand moment. Ensuite, il parla d'autre chose. Du Shropshire, des écoles en général, de la vie qu'on y mène, des nouvelles que donnaient les journaux du jour. « Votre adolescence se déroule dans un monde bien hostile, Linford. Il se pourrait qu'il ait perdu un peu de son caractère fâcheux, quand vous serez prêt à vous y lancer. En tout cas, espérons-le. Eh bien, et avec un coup d'œil à la pendule, il recourt à sa vieille formule habituelle. Je suis au regret que vous ne puissiez rester davantage. Sur le pas de la porte, il serra la main de Linford. Au revoir, mon petit. Et de sa voix perçante, l'autre répondit. Au revoir, monsieur Chips. Chips se rassit devant son feu, et ses mots lui retentissaient dans l'esprit comme renvoyés par un écho. Au revoir, monsieur Chips. C'était une vieille plaisanterie de faire croire au nouveau que son véritable nom était Chips, une farce presque traditionnelle. Cela lui était égal. Au revoir, monsieur Chips. Il se souvenait que la veille de son mariage, Cathy avait prononcé la même phrase, se moquant gentiment du sérieux qu'il affectait en ce temps-là. Aujourd'hui, songeait-il, personne ne me trouverait sérieux, c'est bien certain. Soudain, des larmes se mirent à couler sur ses joues. Défaillance de vieillard, stupide peut-être, mais il ne pouvait s'en empêcher. Il se sentait très las. Cette conversation avec Linford l'avait complètement épuisé. Mais il était content d'avoir vu cet enfant, un bon petit garçon, qui réussirait. À travers le brouillard lui arriva le tintement voilé, tremblotant de la cloche de l'appel. Chips regarda la fenêtre qu'obscurcissait déjà le crépuscule. Il était temps d'allumer. Mais dès qu'il voulut se mettre en mouvement, il sentit que cela lui était impossible. Il était trop fatigué. Et d'ailleurs, peu importait. Il se renversa dans son fauteuil. Plus un jouvenceau. Et ma foi, c'était bien vrai. Cette remarque de Linford avait été amusante. Joli succès pour les farceurs qui avaient envoyé ce garçon. Au revoir, monsieur Chips. Bizarre, tout de même, qu'il l'eût dit juste comme ça.